Mais d'abord, la chronique numérique où avec Raymond Poirier, on essaie de comprendre un peu plus chaque semaine ben, l'environnement numérique qui nous entoure et qu'est-ce que ça change pour nous, pour la science également. Ce sera surtout axé sur la science ce matin. Bonjour Raymond. Bonjour Dominique. Encore une super conférence à venir jeudi soir à la bibliothèque Gabriel Roy. Oui, jeudi 27 avril prochain à 19h, Super Mario Bros. À la rescousse, le rôle méconnu des jeux vidéo en science. Alors, comment l'évolution des jeux vidéo a-t-elle permis d'autres évolutions, mais du côté de la recherche, dans d'autres domaines que celui du jeu vidéo? Alors, c'est le sujet de la conférence qui sera présentée par le professeur Philippe Després du département de physique de l'Université Laval. Et comme j'aime bien prendre le temps de mettre la table autour de ces conférences-là quelques jours à l'avance, ben Philippe Després est avec nous au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Després. Et actuellement, en fait, on en est quoi, à peu près à la 7e génération de consoles de jeux vidéo. Donc, si on regarde, par exemple, au niveau des processeurs graphiques, donc d'aspect visuel, c'est des outils qui ont évolué énormément et qui ont évolué aussi quand même assez rapidement de 77 à aujourd'hui. Oui, tout à fait. En fait, c'est spectaculaire, l'évolution. Puis si on regarde un graphique, la puissance de calcul de ces engins-là, des processeurs graphiques, par rapport aux processeurs normaux qu'on appelle des CPU, hein, des Central Processing Unit, eh bien, à partir de peut-être 2006-2008, là, on décroche complètement en termes de capacité de calcul. Là, les GPU nous donnent beaucoup plus de puissance que les CPU normaux pour certains problèmes qui sont, disons, parallélisables. Là, on va commencer par la base, monsieur Després. Qu'est-ce que c'est exactement un CPU ou un processeur graphique? Comment ça fonctionne? En réalité, c'est un peu le cerveau de la console de jeux vidéo. Exactement, vous l'avez bien résumé. Le CPU, on peut dire que c'est le cerveau, le processeur central, qui va orchestrer toutes les opérations de base de la machine. Et le processeur graphique, lui, s'occupe exclusivement d'afficher les images à l'écran. Donc, quand on fait le rendu d'une scène 3D à l'écran, derrière, c'est des millions d'opérations mathématiques par seconde qui doivent être effectuées. Donc, c'est du calcul matriciel assez standard. Mais comme il y a des millions de pixels à l'écran à rafraîchir plusieurs fois par seconde, il faut impérativement être capable de faire ces calculs-là très, très rapidement. Et le processeur graphique a évolué pour être en mesure de faire ces calculs-là en parallèle. Donc, alors que sur un CPU, on le fait de façon en plus série, donc en série, une opération après l'autre, sur le processeur graphique, on est capable de faire plusieurs opérations en même temps. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça du calcul parallèle. Et c'est ce caractère parallèle-là qui a permis au processeur graphique d'être extrêmement performant pour certaines classes de problèmes numériques en sciences. Oui, parce que dans le fond, l'idée, c'est de globaliser un peu, de dire, bon, OK, on a trouvé une solution qui est extrêmement pertinente dans le domaine des jeux vidéo pour permettre d'aller plus loin d'un point de vue visuel. Et donc, l'idée d'avoir ces GPU-là, ces puissances de calcul parallèles-là, ben, on imagine que d'un point de vue scientifique, ça a ouvert aussi d'autres portes, et parfois assez surprenantes aussi. Oui, assez surprenantes. Puis, je dirais que c'est un peu un effet secondaire qui n'avait pas été prévu. Donc, les cartes graphiques qui sont présentes dans nos ordinateurs, dans les consoles aussi, ont évolué pour satisfaire l'appétit des joueurs toujours grandissant pour des scènes toujours plus réalistes et ce faisant sont devenus très très aptes à faire plusieurs millions de calculs par seconde et vers 2006-2007 je vous dirais qu'il y a certains scientifiques qui ont regardé ça et ont dit on pourrait utiliser ces opérations-là mathématiques qui servent à faire du rendu à l'écran mais pour faire des calculs scientifiques. Donc, ce qu'on faisait à l'époque, ce qu'on faisait là, vers 2006-2007, on faisait croire à la carte qu'elle faisait un rendu d'image à l'écran, mais on interceptait les résultats du calcul pour des fins de calcul scientifique. Donc, c'était assez compliqué, je vous dirais, à l'époque, là, d'être capable de, faire croire à la carte qu'elle faisait un rendu sur l'écran et qu'effectivement, ce qu'on utilisait, c'était la puissance de la carte pour faire des opérations mathématiques très rapidement. Donc, depuis ce temps-là, ça a évolué et les compagnies de cartes graphiques, Nvidia en tête, c'est une compagnie californienne qui produit beaucoup de cartes graphiques, ont compris qu'il y avait un appétit aussi du côté scientifique et ils ont commencé à développer des interfaces de programmation pour être capables de, je dirais, parler, entre guillemets, aux cartes graphiques de façon plus simple, okay, sans passer par le langage utilisé par les gens qui font des jeux vidéo, hein, qui parle en termes de vertex, de polygones, de textures, de canaux de couleurs RGBA. Donc, tout ça a été évacué. Donc, c'est plus facile pour le commun des mortels de programmer des cartes vidéo et d'accéder à leur puissance. Ça devait être assez rudimentaire, une carte graphique dans les années 70-80, lors de l'apparition des premières consoles de jeux. Je pense que vous allez faire plaisir aux amateurs de jeux vidéo jeudi soir en revenant justement sur l'évolution des consoles et de leurs processeurs graphiques. Oui, effectivement, je pars de la deuxième génération, là, Atari, là, que j'ai connue là, étant jeune, et puis qui a meublé certaines heures de ma jeunesse et de mon adolescence, entre autres, et même à l'université, j'ai continué à jouer. Donc, oui, je vais revoir, en fait, l'évolution des consoles et pourquoi on est arrivé aujourd'hui à avoir des graphiques extrêmement réalistes avec des effets visuels extrêmement épatants, là, des effets de brouillard, des effets de reflets sur l'eau, des effets d'ombrage, ce genre de choses-là. Pourquoi on arrive à recréer ça? Ben, je vais tenter d'expliquer que derrière tout ça, il y a une architecture matérielle, le processeur graphique, qui permet de faire tout ça. Et Philippe Després, vous allez ouvrir aussi, évidemment, en deuxième partie, sur d'autres infrastructures matérielles, donc les supercalculateurs, parce que vous parlez tantôt de mettre en parallèle donc ces puissances de calcul-là. Et plus il y en a, plus la puissance de calcul devient multipliée, finalement. Oui, tout à fait. Puis aujourd'hui, les plus grands calculateurs du monde, les supercalculateurs, souvent vont comporter des unités de processeurs graphiques. Donc, ce sont des énormes machines. La machine la plus puissante présentement est une machine qui est en Chine. Et pour vous donner une idée, c'est des machines qui tirent 15 mégawatts de puissance. Donc, c'est des dizaines de milliers de cœurs de processeurs, et CPU et GPU. Et ça devient une ressource essentielle en science maintenant d'avoir accès à ces engins de calcul-là pour des applications en biologie moléculaire, en physique. Il y a beaucoup de domaines d'application, en fait, du calcul haute performance. Mais peut-être, en fait, pour permettre aux gens de saisir un peu l'importance peut-être des avancées en calcul de haute performance, est-ce qu'on peut donner justement quelques exemples un peu plus précis? Peut-être, vous parlez de physique, vous êtes également en radio-oncologie au CHUL, alors on pourrait peut-être regarder quelques exemples spécifiques au domaine de la santé? Oui, exactement. En fait, les problèmes en physique médicale sont très parallélisables, et c'est ce que je fais là dans mes travaux de recherche, c'est qu'on accélère des algorithmes qui autrement ne seraient pas viables en clinique. Donc, ces algorithmes-là, souvent, vont nous donner, par exemple, de meilleures images pour le diagnostic, vont nous donner de meilleurs calculs de doses pour la radiothérapie. Donc, on est toujours en train de repousser les limites de la précision qu'on peut atteindre. Mais tout ça, ça se fait à un prix numérique assez élevé, un prix de calcul assez élevé. Donc, dans un environnement clinique où j'ai des cliniciens et des flux de travail qui doivent être rapides, je ne peux pas me permettre d'attendre une heure le temps qu'un calcul se termine. Et c'est ce qui arrivait souvent avant, quand on utilisait des techniques avancées pour faire du calcul de dose, par exemple en radio-oncologie. Eh bien, ces calculs-là sont normalement trop lents. Donc, les cartes graphiques ont fait en sorte qu'un calcul qui durait une heure dure maintenant quelques secondes. Donc, maintenant, on peut l'utiliser en clinique. Donc, ça change la donne au quotidien pour certaines applications. Et comme vous dites, en fait, c'est important parce que le patient, en fait, ça se fait pendant que le patient est sous anesthésie, le calcul des doses et ces éléments-là. Oui, par exemple, ça peut être le cas. Donc, le calcul de dose doit être réeffectué si jamais la planification du traitement, on a dévié un petit peu lors de la procédure pour être en mesure de recalculer la dose rapidement. Ben ça, ces engins-là de calcul, processeurs graphiques, nous permettent de recalculer rapidement, de s'adapter rapidement à la nouvelle situation, et c'est au bénéfice de tous, du patient et du clinicien aussi. Et pour faire ce type de calcul-là, en fait, on parle des données liées au patient, de données fixes. En fait, c'est parce que il y a un nombre quand même imposant. Je pense qu'on prend conscience de l'ampleur de ces opérations mathématiques-là, de la vitesse à laquelle elles doivent se faire. Et donc, j'imagine qu'il y a aussi beaucoup de données qui viennent s'insérer dans certains cas particuliers. Ou... Oui, tout à fait. Ben, les données qu'on utilise en médecine, surtout les données d'imagerie, donc la tomodensitométrie qui nous donne nos données d'entrée, qui nous dit le patient, il est constitué de tel matériau à telle densité, là, globalement. Donc, il y a quelques années, le patient considérait qu'il était constitué d'eau uniquement. Et maintenant, ben, avec l'imagerie, on est capable de dire, ben, voici, ça, c'est de l'os, voici, ça, c'est du poumon. Et ça change, en fait, les dépôts de doses qui vont avoir lieu dans le patient. Donc, avant, on n'était pas en mesure de simuler la présence d'os et de tissus moins denses, en fait, dans le patient. Et aujourd'hui, en prenant tout ça en compte, on arrive à des solutions qui sont beaucoup plus près de la réalité. Donc, on est beaucoup plus certain de ce qu'on va aller administrer comme dose qu'il y a 10 ou 15 ans. Et ce calcul-là qui est valide en santé l'est aussi dans d'autres domaines, que ce soit en environnement, que ce soit en finance, par exemple. Donc, il y a des applications dans d'autres secteurs aussi qui sont tout aussi stimulantes, je crois, là. Oui, tout à fait. En fait, en biologie moléculaire, le repliement de protéines, là, il y a le projet Folding at Home qui exploite aussi la puissance des GPU. En finance, oui, il y a à peu près 85% du volume des transactions boursières qui est fait de façon automatique. Donc, on joue beaucoup sur le timing, donc avoir des algorithmes qui sont extrêmement rapides pour calculer des prix d'options, par exemple, c'est très utile. Donc, il y a des gens comme Morgan Stanley, par exemple, qui s'intéressent à ce genre de choses-là. L'intelligence artificielle aussi, on en parle beaucoup de nos jours. C'est un domaine qui a besoin de beaucoup de puissance de calcul. Et encore là, les processeurs graphiques sont en mesure d'apporter cette puissance-là pour, en fait, nourrir les algorithmes et permettre l'exécution d'algorithmes extrêmement sophistiqués dans des temps raisonnables. Vous parlez de la réalité virtuelle qui s'en vient et qui suscite encore des développements technologiques, mais la réalité virtuelle est pas encore accessible tellement au grand public parce qu'il y a des problématiques encore au niveau du temps de latence, de la fluidité des images. Alors, on sent qu'il y a encore des avancées qui s'en viennent dans le cas des processeurs graphiques. Comment vous voyez les prochaines années en termes de développement des processeurs graphiques et des nouvelles applications dans le monde de la science et de la recherche? Bien, je pense que si on regarde les courbes d'évolution de la puissance de calcul, ça me donne une bonne idée qu'on est sur une pente ascendante toujours du côté des processeurs graphiques. On n'a pas encore atteint la limite physique comme on l'a atteint dans le cas des processeurs plus traditionnels comme les CPU. Donc, j'entrevois encore de beaux jours là, pour les processeurs graphiques. Je crois qu'ils ont encore une place. Et effectivement, en réalité virtuelle, où il faut être capable de dessiner vraiment plusieurs millions de pixels à l'écran, ou sur plusieurs écrans, en fait, ben effectivement, cette technologie-là va être extrêmement importante. Et comme je le disais aussi, en intelligence artificielle, on a besoin de ce genre d'engin de calcul-là pour arriver à nos fins dans des temps raisonnables. Et je rappelle aux gens qui nous écoutent que justement, on peut aller vous entendre un peu sur ces sujets-là et plus, et échanger également avec vous sur ces thématiques le 27 avril prochain, 19h, à la bibliothèque Gabriel Leroy. Philippe Després, donc professeur au département de physique à la Faculté des sciences et de génie de l'Université Laval. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et Dominique, je rappelle, la conférence s'appelle Super Mario Bros. À la rescousse, le rôle méconnu des jeux vidéo en sciences. Donc, c'est à la bibliothèque Gabriel Leroy. C'est gratuit. Si on veut avoir un peu plus d'informations sur l'activité, ben, que ce soit sur le site de la bibliothèque ou sinon sur le site de l'ITIS, itis.ulaval.ca. Oui, je remercie à mon tour Monsieur Després. Ça s'annonce fort intéressant, cette conférence-là. Alors, Raymond, chaque semaine, tu continues de nous tenir informés des nouvelles tendances dans le numérique. Merci beaucoup, Raymond.